d'apporter ou d'acheter des choses qu'il ne peut pas, qu'il n'a pas les moyens d'acheter. Et la femme doit savoir se contenter de ce qu'il y a dans la maison de ce mari et doit prendre en considération les revenus et la richesse de son mari. On اكتفي بهذا القدر وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.